juste mettre le piano, attends. Oups, j'ai oublié le piano. I try my best to be just like the other boys in school. I try my best to get it right and die at every drill. J'ai un petit problème. Désolé, un tout petit problème. Ouais, c'est bon, c'est bon. En fait, j'avais enregistré un truc, il y avait un... Ça allait pas. Je vais relancer. 1, 2... Ah, t'as la basse toujours ? Attends. I try my best. Ah, dommage, il manque l'orgue, je l'ai effacé. Là. I try my best to be just like the other boy in school. I try my best to get it right and die at every drill. I try my best to be just like of a boy in school. I try my best to get it right and die at every duel. Désolé, je sais pas pourquoi, c'est ma connexion internet. Thank you. Bah allez, je lance une dernière fois. On va y arriver, on va y arriver. Ouais, ça craque. Ça craque. Pourquoi ça craque? Attends, et là, si c'est bon, là, je peux voir peut-être. 3.